Amis aventuriers, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonsoir à tous. Sous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième saison de Krolanta, où l'on va suivre la 21e saison de Koh-Lanta qui se déroule pour la première fois dans les îles Fidji. Et je suis aujourd'hui accompagné de Louis et Lucas. Comment ça va, messieurs ? Ça va très bien. Tranquillou, au top. Au top, c'est ça qu'on va garder. Aujourd'hui, au sommaire, énormément de choses puisque cette nouvelle saison apporte beaucoup de nouvelles règles. Nous allons le voir, des nouvelles équipes avec du sang frais. Ça fait du bien, vous allez voir qu'il y a énormément de bonnes choses. Mais bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas encore, on commence toujours cette émission par une minute du résumé qui va nous résumer l'épisode entier. En tout cas, il va essayer et aujourd'hui, c'est Lucas qui va se prêter à l'exercice. Est-ce que tu es prêt, Lucas? Est-ce que t'as pas oublié notre petit sponsor? J'ai oublié notre petit sponsor, chronomètre-en-ligne.fr. Chronomètre-en-ligne.com. Eh bien, c'est quand tu veux, attention, sur le top. Top, go! Après une succession de plans magnifiques sur les îles Fidji, c'est un début immédiat que nous offre cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Les aventuriers, éparpillés dans 4 embarcations différentes, apprennent qu'ils seront répartis en 2 équipes, les moins de 30 ans chez les jaunes, les corps à vue, et les autres chez les rouges, les Makawa. Leur bandeau à peine attaché autour du cou, de la tête ou du bras, what the fuck. Les films s'affrontent dans un double jeu de confort pendant que deux aventuriers font la course à la nage jusqu'à la plage pour 5 kilos de riz, le reste des équipes monte sur le pont d'un bateau qu'ils doivent piller tel de véritables pirates. Alors que le fringant Théotime nage encore le dos brassé, Romain remporte le riz pour les rouges et les deux équipes, sur le pont, jettent tout le nécessaire de survie à la mer, c'est-à-dire des casseroles, des planches, des filets de pêche, avant de les transférer sur un radeau. Seule la première équipe à tenir la plage pourra garder le matériel embarqué. Les jaunes, pourtant mal partis, remportent cette partie d'épreuve, car ce pack plus 2 de ramage de Thomas et aux encouragements d'André. Les rouges repartent donc avec le riz, et les jaunes avec plein de trucs. On découvre les îles, chacun trouve l'eau, et entame sa première nuit à la belle étoile. Et après, c'est de l'impro, parce que je n'ai plus rien écrit, on en est où? Eh ben c'est fini. Ah, merde. T'aurais pris encore la moitié de l'épisode. Ouais, mais j'aimais bien cette petite épreuve. Voilà. Mais écoute, ça tombe bien que t'aimes cette petite épreuve parce que c'est le premier sujet de l'émission. Merci pour le générique, il était magnifique. C'est notre épreuve, notre double épreuve. Ouais. Il me semble que c'est la première fois dans Koh-Lanta qu'on voit ça. Ou en tout cas, la première fois depuis plusieurs années. La saison dernière, on a eu des quintuples épreuves quand même, mais... Oui, mais... Cette fois-ci, c'était pas des mecs qui essayaient de reconstruire un taquin de serpent pendant qu'il y en avait d'autres qui essayaient de respirer. Oui, mais pas en introduction, messieurs. Oui, c'est là, ça. Là, c'est voilà, vraiment... Ouais. Denis arrive. Alors déjà, effectivement, tu l'as dit, on a des plans magnifiques. Ah, oh, c'était vraiment oh là là, magnifique, trop beau. Les premiers plans de l'émission. Vraiment en silence, avec la petite musique de Koh-Lanta, tranquillement. Les chèvres, vous avez vu les chèvres. Oh là là. Incroyable, ça nous refait penser à Mohamed. Oui, c'est ça, espérons qu'elles n'étaient pas grosses, celles-là. Ils arrivent, et là, Denis, bi-boum, 2 épreuves, les mecs, direct. La première, qu'est-ce que c'est ? La première, donc, c'était tout simplement une course à la nage. Chaque équipe doit élire un champion. Et ils vont s'affronter dans une course à la nage et ils doivent rejoindre la plage le plus vite possible. Le premier à rejoindre la plage, faire emporter 5 kilos de riz à son équipe. Et on a une deuxième épreuve en parallèle, Louis. Yes. C'est les radeaux. Donc, comme l'a expliqué Lucas, les mecs doivent. Les membres restants de l'équipe doivent récupérer sur le gros bateau le plus d'ustensiles de survie possible, on va dire, puisque c'est ça, c'est des filets, des casseroles. Il y a quoi d'autre? Des planches, de nourriture, des planches, ouais, des cordes, des trucs comme ça. Les jeter à la mer, ensuite les transvaser sur leurs radeaux respectifs et se mettre à pagayer le plus vite possible à tous sur le radeau, parce que c'est seulement la première équipe qui touche, qui mouille les plages fidjiennes qui a le droit de garder le contenu du radeau. Donc plutôt sympa comme début. Trop bien. Très cool. C'est un petit peu pour éviter les mecs qui tombent dans les pommes au bout du quatrième jour parce qu'ils ont rien à bouffer. Exactement. Et puis c'est aussi un moyen un peu de dynamiser le truc, parce que mine de rien, il y avait quand même 2 épreuves, donc il y avait forcément 2 gagnants. Enfin voilà, il y avait quand même quelque chose. Il y avait un vrai truc en parallèle, quoi. C'était cool. Ah t'as pas eu le temps de commencer cet épisode et cette nouvelle saison de Koh-Lanta qu'au bout de 5 minutes. C'était déjà le branle-bas de combat à tous les étages, c'était vraiment incroyable. De toute façon, l'introduction de Koh-Lanta, c'est un peu la visite médicale, quoi. Oui, bon, des fois, ça se passe mal, mais voilà, là, tout s'est bien passé, merci. Et donc, on va revenir sur la première étape, donc, qui était l'étape de la nage, où se sont affrontés, du coup, deux personnes, donc un de l'équipe rouge, un de l'équipe jaune. On reviendra après sur les équipes, ne vous inquiétez pas. Et on avait dans l'équipe rouge une première personne qui était Romain, trentaine, coach sportif. Je sais plus comment c'était au passé, mais c'était, ils devaient, de toute façon, parce que t'es pas pratique, c'est qu'ils étaient, mais qui était drôle en même temps, c'est qu'ils étaient chacun sur un bateau différent et splitté en plus, donc t'avais des jaunes et des rouges sur chaque bateau. Et les mecs hurlaient en mode, hey, toi, tu sais faire quoi? C'est bah, ça. Moi, je suis champion de canoë et kayak et tout. Donc, Romain, ça s'est fait à plus ou moins à l'unanimité assez rapidement. Et puis bon, c'est vrai qu'il en impose. Et puis c'était, ça doit être un des plus jeunes finalement des rouges. Donc, on rappelle, les rouges, ceux qui ont au-dessus de 30 ans. Et lui, il a quoi? 33 ans, je pense? Ouais, 31 ans? Bien. Quelque chose comme ça. Et puis, bah, chez les jaunes, il y a juste Théo Tim qui, au milieu de tout le bordel, a dit bah, moi, c'est vrai que je sais nager. Et là, hop! Il y a quand même eu un petit affrontement avec un petit affrontement. Les gens avaient hésité avec Thomas parce que effectivement, voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un champion de paddle, donc voilà, il sait pas nager. Donc Théo Tim se retrouve face à Thomas. Bon, il est pas très très confiant sur le truc non plus. Hein. Il dit bon, moi je sais nager, mais voilà, je suis pas non plus un expert. Il plonge, les deux plongent, se retrouvent, il se fait rapidement distancer par par Romain. Évidemment, Romain lui met la piche puisque le mec se retrouve en plein milieu à faire une danse à l'indienne. Ouais, comme dans la 7ème compagnie, là. Il a tout essayé, mec. Oui, oui, c'est vrai. Il a fait tous les côtés. Le dos brassé, moi, j'étais pas prêt, hein, vraiment. Mais il a vraiment jamais arrêté. C'est-à-dire, il l'a fait à deux à l'heure, mais franchement, il l'a fait. En même temps, quand t'as 23 ans et que tu passes ton temps dans des food trucks à faire des burgers, c'est-à-dire au moment, là, tu peux pas non plus. Et dans les. Il est Vosgien, un truc ouais, comme ça. Oui, il est Vosgien, si tu veux. Ouais, on n'apprend pas à nager dans les Vosges. Ah, vous vous souvenez du portrait, c'est en plus, il lésine pas sur la maillot. Hein. Vraiment, il tartine dans les burgers. Et donc, c'est grâce à Romain, les Rouges récupèrent 5 kilos de riz. Mais pendant ce temps-là, sur les radeaux, en tout cas d'abord sur le bateau, les équipes se démènent avec les casseroles, avec beaucoup d'autres choses, comme tu l'as dit. Et là, il y a des couacs. Il y a des couacs à tous les niveaux et il y a beaucoup de suspense dans cette épreuve, n'est-ce pas? Ouais, de ouf. Ouais, c'était fou. Alors, je crois que les Rouges, il y en a un, il y en a qui ont perdu le filet de pêche, il y en a qui ont perdu la casserole, mais je sais plus quelle équipe a perdu la casserole. Oui, c'est ça, ouais. Les Rouges, je crois, ils ont perdu la casserole. Mais j'attends le moment où les mecs vont se dire « Merde, elle est où la casserole ?» Pensez au petit caméraman qui était quand même sous l'eau sans arrêt à espérer que des trucs tombent. Et oui, deux trucs qui sont tombés, c'est tout. Exactement. J'étais trop mal pour moi. Moi, ce qui m'a étonné, c'est le fait qu'ils balancent le manioc à l'eau et que ça se garde. Je pensais que ça allait tourner, en fait, coup, mais il semblerait que ça soit bon. Après, ça se trouve, ils ont juste feinté, ils leur ont filé de l'autre manioc après. Effectivement, ce qu'on n'a pas mentionné dans les radeaux, c'est aussi qu'ils devaient récupérer leurs drapeaux respectifs sur les camps, là. Ah oui, c'est vrai. Sur le retour, une fois qu'ils avaient tout, ouais. Voilà. Et il fallait donc faire une pause au milieu. Et donc, ça a été l'occasion de faire des retournements de situation incroyables. C'était une vraie course. Et on a pu se rendre compte très très rapidement que les femmes chez les jaunes n'avaient jamais tenu une pagaie de leur vie. Parce que personne sur ce radeau ne savait pagayer. À part André et Thomas, on va revenir sur André dans quelques instants. Et là, tu me mets le doute sur le fait que j'ai déjà tenu une pagaie dans ma vie ou pas, et je crois que non. D'accord, mais en fait, même si tu ne l'as jamais fait, je veux dire, Lucas, c'est sûr que tu saurais t'en servir. Je comprends plus ou moins le concept. Voilà, oui. Tu comprends le principe. Voilà, il y a quand même une meuf qui la tenait comme une grosse cuillère, si tu veux. Donc à partir de là, c'est quand même hardcore. Ouais. Mais bon, heureusement, sur ce radeau se trouvait Thomas, qui était donc, on vient d'en parler, champion de paddle. Donc le mec manie plutôt bien la pagaie. Ouais. Et surtout, en fait, ils ont commencé à dévier et lui, il leur a expliqué, genre, vous ils ont eu une collision avec les rouges. Ouais, c'est vrai. Ça, il y a eu des collisions tout le temps. C'était burn-out, le truc. Hein. Tout le monde s'est tapé dedans dans tous les sens. Tu sais, si c'était pas dans l'eau, je suis sûr qu'on aurait vu des étincelles. Tu vois, donc Thomas, ouais, on disait étudiant commerce, 21 ans, champion de paddle. Voilà, on en reparlera peut-être on en reparlera petit à petit à la suite parce qu'il prend de l'importance dans l'histoire. Mais c'est lui en gros qui leur dit bon, en fait, si vous voulez aller à droite, faut pas gayer fort à gauche. À ce moment-là, ils sauvent l'épreuve quand même, voilà. Pour les jaunes, puisque ça leur permet de repartir sur de bons rails. Mais il est pas tout seul quand même. Ah non. Il y a quand même André à côté et on va laisser parler un petit peu Louis d'André parce que c'est un petit peu son chouchou, on peut le dire. Moi, c'est mon amoureux. Je suis fan d'André. André qui, à ce moment-là, jusque-là, on l'avait vu, on s'était dit, disons qu'il y en a un, il est peut-être un petit peu grassouillé, là. Hop, c'est un jaune, un rouge. moi, je trouve qu'il avait un petit air de Neuville-Londubat, vraiment. Attends, t'as oublié de dire, André, 19 ans, étudiant, qui fait du rugby. Mais au début, on savait pas si c'était des gros biscottos ou du McDo, quoi. Bon, et donc, quand même, hein. Moi, j'avais le doute, je me disais, celui-là, on va voir ce qu'il va donner. Et là, incroyable, il commence à prendre les choses en main. Du haut de ses 19 ans, ce qui est quand même, ouais, il est avec des gens qui ont 29 ans, hein, quand même. Et il commence à dire, on plante, on tire. Et il fait un peu le conducteur de galère, ouais, qui donne le rythme, quoi, à coup de fouet. Et là, hop, tout le monde se met en roule. Voilà. Tout le monde se met en route. Et d'un seul coup, avec les conseils avisés de direction de Thomas, qui consiste à dire, faut aller par là où on a envie d'aller. Et André qui hurle, et ben finalement les jaunes ils se mettent à avoir le turbo quoi, ils repartent ils arrivent à la petite plateforme, ils arrivent à enlever leur drapeau parce qu'il y avait quand même que trois nœuds. Je crois que c'est Coraline chez les rouges qui décide de tirer alors qu'il y a des nœuds. Donc, elle resserre les nœuds, ils s'en sortent pas, ils commencent à tirer comme des sagouins sur les barres, ils arrachent tout. Et les jaunes arrivent sur la plage, victoire des jaunes. Et il faut savoir que l'équipe qui perd tout ce qu'elle a ramené sur la plage. Elle ne garde absolument rien. Rien. Du coup, le jaune se retrouve avec un beau petit paquetage pour partir à l'aventure en ce début d'émission. Mais pas de riz. Et c'est les rouges qui récupèrent le riz. Et à ce moment-là, incroyable, Denis fait une annonce. Oui, c'est vrai. Mais on va y revenir plus tard. Parce qu'on n'a pas expliqué une chose importante, messieurs, pour l'instant. C'est ces deux équipes. Mais vous l'avez déjà un petit peu spoilé, malheureusement. On a donc cette année les rouges. La contraction des deux, mon gars. Les jaunes, les rouges. Heureusement, on n'a plus les bleus. Hein, on s'est épargné les gens qui font caca sous leur lit. En guise d'oreiller. Et les gens qui secouent les arbres. Voilà. On se retrouve avec les jaunes qui sont les Koravu, si je ne me trompe pas. Et les rouges qui sont les Makawa. Et si vous avez quelques notions de Fidjien, les jaunes sont donc les jeunes. Et les rouges sont donc les vieux, puisque les deux équipes sont constituées des gens qui sont nés avant et après 87. C'est absolument incroyable, n'est-ce pas? On se retrouve, il y en a combien dans chaque équipe? Ils sont 10 du coup, 10. Ils sont 20. Exactement. C'est 10-10, ouais. Donc ça fait des équipes jeunes contre une équipe rouge. Alors tu viens de dire jeune à la place de jaune, c'est quand même le problème de ces noms. C'est impossible, ils arrêtent pas de faire des transitions, des fois ils les appellent les jeunes, des fois ils les appellent les jaunes, et on se perd sans arrêt. Moi, je trouve ça horrible. Déjà rapidement, sur le principe, donc c'est un peu le principe de ce début d'émission, hein. Ouais. Cette opposition entre les deux. Il me semble que ça a été fait il y a longtemps, il y a eu une année où c'était homme contre femme au début, et après il y a eu jeune contre vieux. Ouais, c'est possible. Je pense qu'ils ont choisi, j'ai l'impression que le casting en tout cas ne paraît pas... Enfin, tu vois, dire vieux au-dessus de 30 ans, finalement, les mecs de 31, 32, jusqu'à même... Là, je sais pas quel âge il avait la dernière Yacine, mais mec, c'était une machine à 40 ans, tu vois. J'ai l'impression que les équipes sont équilibrées, en tout cas... C'est plutôt pas mal. En épreuve, ça se ressent comme étant équilibré. J'ai l'impression que les femmes chez les rouges sont plus efficaces que les femmes chez les jaunes. J'ai l'impression aussi, ouais. C'est un peu des potiches. Hein. On les a pas encore beaucoup vues, mais ce qu'on en a vu pour l'instant... En tout cas, en épreuve, voilà. Après, il y en a. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu tout le monde. Enfin, le problème, qu'on n'est pas vraiment un, en fait, parce que je pense en que c'est bien. En tout cas, ils savent pas manier une pagaie, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, mais ils ont poussé derrière après, donc ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu quelques erreurs dans le camp, mais elles sont descendues, elles ont battu des jambes. Mais non, je voulais vous demander un petit peu votre avis, un petit peu à chaud comme ça, sur l'opposition vieux-jeune, parce que c'est un peu le principe du début de l'émission, et c'est vrai qu'on nous rabâche quand même beaucoup. Je donne déjà un peu mon avis, je vous influence peut-être un peu, mais on nous rabâche quand même beaucoup. Les jeunes, on va leur montrer qu'on n'est pas des vieux croutons, et les jeunes qui disent « Ouais, on va montrer à ces vieux qu'on n'est pas que des petits cons ». Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce truc? Je pense que c'est un peu le problème, surtout que c'est déjà, mine de rien, toujours un peu présent dans Koh-Lanta, parce qu'il y a toujours les vieux qui ont quelque chose à prouver en disant « Je veux montrer à mes petits-enfants que je suis toujours en forme », et les jeunes qui veulent dire « Je veux montrer à mes parents que je peux faire autre chose qu'avoir un BTS ». Et du coup, c'est quand même toujours un peu présent, et là c'est vraiment exacerbé, d'autant plus, je sais pas si on en a un petit peu parlé, c'est encore plus exacerbé par la voix off et Denis du coup, qui essaye de nous faire croire que les jeunes sont tous désorganisés et oisifs, et que les rouges sont tous très posés, qui réfléchissent tous avant de faire des choses, et que ça se passe d'ailleurs beaucoup mieux pour eux, parce qu'ils sont super sages et âgés. Alors que moi, j'ai pas trouvé que c'était tant le cas que ça. Dans les faits, ça s'est assez vite, pas démontré, mais justement, ils nous ont assez vite prouvé le contraire. Infirmé, ouais. Ouais, voilà, ouais, exactement. Donc, écoute, après moi, je me dis que finalement, soit ça va s'arrêter, soit ça va me faire rire en fait, parce que à force de, ça va devenir un running gag, tu vois, les vieux qui disent ouais, vous avez vu les jeunes, moi j'ai réfléchi avant de faire ma cabane et puis elle est mieux, tu vois. Et au final, les mecs qui diront bah ouais, mais nous on l'a juste fait et c'est fait, quoi. Bah, il y a surtout une chose, moi, qui me rassure un peu, parce que je vous avoue que là, déjà, sur les 15 premières minutes de l'épisode, ça m'a un petit peu saoulé. Malgré tout, au bout de 15 minutes de l'épisode, il y a quelque chose qui m'a rassuré. C'est quand Denis a dit, dans 10 jours, les mecs, vos équipes, elles disparaissent. Ou en tout cas, elles vont changer. Et du coup, l'opposition vieux-jeune, ça ne va durer que ce temps-là. Ouais. Bah ça, du coup, c'est cool. Déjà, parce que finalement, je crois que dans les 3 dernières saisons, on a toujours eu des retakes sur les équipes à cause de problèmes de déséquilibre. Donc limite, là, ils cessent l'occasion de dire dans 10 jours, on ne sait pas comment les équipes vont être faites, si c'est la prod qui va les refaire ou pas, peu importe. En tout cas, moi, je trouve ça cool qu'ils aient cet outil-là pour dire on fait des équipes équilibrées dans 10 jours. En termes de stratégie, ça permet déjà de se placer sur ces alliances et tout, notamment puisque, et on arrive autour de la troisième partie, qui s'articule autour d'une nouvelle règle majeure. On a eu l'anneau d'or, on a eu je sais plus quoi. Les trois équipes. Maintenant, on a l'île du paradis perdu. Et l'île du paradis perdu, est-ce que quelqu'un veut prendre la main sur l'explication un petit peu du concept de l'île du paradis perdu? Je peux tenter, si vous voulez. Vas-y, Louis. C'est un peu similaire à la mécanique qu'on avait justement avec l'anneau d'or, dans lequel, si je me souviens bien, tu gagnais le droit d'avoir le droit d'aller sur l'île où il y avait l'anneau, et il fallait ensuite le trouver. Ouais. Et c'était dans celle-là que Bastien, justement, l'avait eu et avait fait la nique à tout le monde en leur faisant croire qu'il ne l'avait pas eu. Et si tout je me souviens bien, c'était un espèce de jeu commun dans lequel fallait faire juste de l'orientation, il fallait trouver des balises. Ouais. Cette fois-ci, c'est pareil, c'est une île à part, et sur laquelle, en fait, quand t'arrives, il y a un petit chemin avec une table d'orientation vraiment super générique sur laquelle il y a même une carte, donc tu peux partir avec la carte. Et sur cette carte-là, bah, en gros, il y a des coffres qui sont indiqués et il suffit de d'aller aux endroits pour trouver les coffres. 11 coffres. Alors, voilà. Et il y a surtout deux candidats qui vont à chaque fois, un de chaque équipe. Et c'est là le twist. Et ben oui, parce que justement, qu'est-ce que pour l'instant on nous a montré qui est caché dans les coffres? C'est pas un anneau d'or qui permet d'aller en finale, nanana. C'est pas un collier d'immunité, c'est deux demi-colliers d'immunité qui permettent donc aux deux au couple de rouge et de jaune d'avoir un collier ensemble s'ils le réunissent. Alors attends, déjà là il y a beaucoup d'éléments en process là. J'espère que vous suivez, messieurs dames, parce que là petit à petit. Là voilà, on va débriefer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Déjà, l'île du paradis perdu, ne serait-ce que le fait que deux candidats des deux équipes se retrouvent ensemble pendant un jour avec le même objectif commun, en sachant très bien que dans 10 jours, ils vont pouvoir se retrouver potentiellement dans la même équipe. Est-ce que, voilà, il y a des potentielles alliances qui se créent, des stratégies? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, je pense que c'est très cool. Il faut qu'il y ait ce genre de choses qui se préparent. Enfin, je sais pas si c'est... J'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé la saison dernière, mais la stratégie est mal considérée, D'ailleurs, on l'a encore vu dans cet épisode-là, c'est un peu compliqué. Mais on a besoin de ce genre d'outils, en fait, et il faut pas attendre des candidats français qui fassent de la stratégie eux-mêmes, il faut les pousser à la faire. Et du coup, ça me semble être un bon moyen de les pousser, de leur dire « Dans 10 jours, mec, tu seras peut-être tout seul. Fais-toi des potes, commence à préparer tes arrières, quoi. » Mais je trouve que c'est un moyen finalement de concrétiser ce qu'ils avaient essayé de faire l'année dernière en disant que les colliers étaient échangeables, etc. Qui finalement n'a pas marché parce qu'il y avait beaucoup d'équipes, parce qu'ils ont fait une réunification qui était super tardive, donc de toute façon c'était déjà fait. Parce qu'on savait qu'il y avait les colliers aussi. Voilà, ouais, on le savait aussi. On savait qui avait les colliers. Exactement. Et ça c'était une connerie. Et du coup effectivement, là avec ça ils ont le moyen de finalement, c'est-à-dire que ça serait être idiot que de pas jouer la stratégie là-dessus. Et donc, on l'a dit, il faut trouver le coffre. Est-ce qu'il y a dans le coffre? Pour l'instant, on a découvert une seule chose, qui est demi-collier d'immunité. Ouais. Louis l'a bien rappelé. Et échangeable. Échangeable entre n'importe quelle personne. Et pour être utilisable, il faut bien sûr rassembler les deux moitiés. Donc, elle ne peut profiter qu'à un seul candidat. Et c'est un peu ce que tu nous demandais l'année dernière, Lucas, puisque tu nous parlais beaucoup de colliers que tu ne pourrais pas utiliser sur toi-même, mais sur les autres. Là, on est un peu dans ce cas-là. Yes. C'est une version un peu, une variante de ta proposition, mais on est un petit peu dans quelque chose de similaire. Peut-être que TF1 t'a entendu, peut-être que ALP t'a entendu. Bah ouais, forcément. C'est les... J'ai fait jouer mon carnet d'adresse. non, après moi, il y a un truc dont on n'a pas parlé déjà, c'est qui était allé sur l'île. Parce que justement, enfin moi ce que je voulais parler, c'est que le problème qu'on a, c'est quand même le fait que bah le premier exemple qu'on en a eu, c'est des mecs qui sont alors qu'ils ont looté un truc à deux, ont décidé de le dire aux autres. Exactement. C'est quand même dommage. Voilà. Exactement. Ça c'est vraiment très très triste. Donc on rappelle, c'est Romain. Donc on a Romain, donc qui était le mec qui a été chercher le riz. C'est Romain qui pour les rouges qui a été là-bas, et c'est il a choisi la personne avec qui il y allait, ce qui est quand même un autre point stratégique. C'est intéressant ça. Il a choisi Thomas pour y aller, donc le mec qui a mené la pagaie sur le radeau des jaunes. Ouais, entre mecs qui utilisent des rames, voilà, ils sont fait un petit date. Donc la première impression, c'était quand même qu'on avait les mecs qui avaient un peu mené le jeu sur les deux premières épreuves. Ils ne se sont pas forcément très très bien entendus. Ah bah, Thomas, il a commencé à être chiant au bout de 5 voilà, minutes, c'est en fait. Ça. Donc, en même temps, tu sens que c'est un petit merdeux, donc hein, école de commerce, ça, le stéréotype un petit peu. En même temps, Romain, il a commencé à vouloir tout commander aussi. Enfin, vraiment, je les ai trouvés tous les deux antipathiques. Alors, je sais que, voilà, et j'ai trouvé que, vraiment, ils ont, c'était l'occasion, finalement. Ce qui était intéressant, c'est que je pensais que ça allait être, on allait vachement les mettre en avant. Et en fait, je me suis surtout dit, putain, les deux, on les laisse tout seuls 5 minutes, ça devient vraiment deux gros connards, qui comprennent rien, et qui, à la fin, du coup, on peut le dire, ils arrivaient pas à comprendre la carte. Donc, Romain a dit, oh ben, on a qu'à marcher au hasard. Donc, vraiment, une stratégie de mec bien réfléchi. Bravo les rouges. Et finalement, il est tombé dessus par hasard et du coup, ils l'ont eu. Ouais. Et du coup, Romain force quand même violemment la main à Thomas pour le dire à tout le monde. Ouais, tout à fait. Ce qui est, pour, je trouve, pas du tout malin. Ce que je trouve, moi, je pense que stratégiquement, pour un candidat, c'est malin. C'est pas intéressant pour nous et c'est pas cool, mais l'année dernière, clairement. Les gens n'ont pas voté contre les gens ils ont jamais fait sauter les colis d'immunité parce que c'est trop galère en fait. Enfin, ouais. Y a un côté genre, tu commis tellement vu que tu dois balancer 5 votes sur un mec et qu'à côté, bah, y a 4 votes que tu contrôles pas. C'est impossible de faire sauter les colis d'immunité. Donc, moi, je pense qu'effectivement, Romain, il a raison en disant, il vaut mieux le dire parce que c'est un totem permanent en fait. Ouais, c'est oui, double c'est vrai. Protection. T'as raison. C'est t'as ça. Raison. C'est ça t'as raison. Il faut voir ça de leur côté. Ouais, t'as raison. Un truc qu'on n'a pas mentionné juste avant la fin, c'est que il y a quand même des choses qui ont été. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais en gros, on nous a pas dit clairement. Il y a deux demi-colliers d'immunité dans tous les coffres. Non. On n'en est pas et sûr. Non. Il y aura peut-être d'autres moyens. Denis a bien dit, et c'est là où je l'ai dit à Lucas l'autre jour. Il a dit la phrase, c'était. Et avant, il disait toujours, est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité? Ah, c'est vrai. Voilà. Et là, il a dit, au moment du conseil, est-ce que quelqu'un a en sa possession un élément susceptible de modifier l'issue du vote? Ouais, ouais. Et ça veut dire que c'est plus que seulement le collier d'immunité. Et là, on imagine plein de choses, là. Ouais. En plus. Oh là. Oh là, tellement de possibilités. C'était gentil de pas les balancer s'ils avaient pas dit que c'était des colliers d'immunité au passage. Exactement. Il y a un autre truc qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les colliers... En tout cas, peut-être qu'on le sait, mais j'ai pas compris. Est-ce que les demi-colliers sont... C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est tous les mêmes et qu'ils peuvent s'assembler les uns avec les autres? Moi, je pense qu'il y en a plusieurs, forcément. Ouais. Mais est-ce que tu peux les... Ça serait bien, en fait. Mais du coup, après, le problème, c'est que s'il y a deux mecs qui ont un demi-collier sur une île, est-ce que ça va pas un peu ruiner la coopération? Mais ouais, je trouve ça plus cool si ça devient un espèce de un jeu de c'est les pogs à la récré quoi, les mecs ils vont commencer à skiller ça sous le maillot de bain, tu vois, ça va être incroyable. Être ouais, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que d'ici les 10 jours, il y a des mecs, parce qu'en fait, ce qui va être cool, c'est que là on va avoir des gens qui sont dans deux équipes différentes pendant 10 jours, donc ils vont y aller normalement 4 ou 5 fois. Mm-hmm. Donc il y a des jeunes qui vont aller avec des vieux et après ils vont switcher les équipes. Et on va potentiellement avoir des gens qui ont été dans la même équipe auparavant, qui vont se retrouver sur l'île et qui vont pouvoir encore une fois retrouver des nouveaux objets et refaire des nouvelles alliances, rediscuter seul à seul avant d'aller à les réunifications. Donc, il va y avoir 3 fois dans cette saison. Yes. Avec cette règle-là, avec des objets qu'on va découvrir. Il y en a peut-être beaucoup, il y en a peut-être que 2 ou 3 sortes, mais ça fait déjà beaucoup plus de variété qu'auparavant. Moi je trouve que ça rend vraiment la chose très très intéressante. C'est intriguant en tout cas, ça ouais. donne envie ouais, et c'est ça, ouais. Voilà, c'est vrai que la dernière fois, j'ai vraiment eu, la saison dernière, c'était décevant parce que c'était un, enfin ils ont les colonies de métiers, ça a donné des choses intéressantes par le passé. Il y a eu des bons retournements de situation. La saison dernière, ça, c'est vraiment, ils ont vraiment tout fait pour que ce soit nul, en fait. Ils ont dit qu'ils les avaient. Cette histoire d'échange, ça n'a pas marché. Donc voilà, là, j'espère que ce sera cool. Et j'y crois. On est bien d'accord. Eh ben, je vous propose de passer rapidement sur la deuxième épreuve. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a eu quand même des épreuves de qualité dans cette première émission, je trouve. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous me soutenez sur ce point. Ouais. Et notamment cette deuxième épreuve qui est donc l'épreuve d'immunité, qui arrive un peu plus tard dans l'épisode. Ou alors là, est-ce que quelqu'un veut bien l'expliquer, parce que moi c'est un petit peu confus. Moi je peux m'en charger. L'ordre dans lequel. Eh ben vas-y. Allez, sans cas. Donc en fait, l'idée c'est l'épreuve est décomposée en plein d'étapes. La première chose à faire, c'est de dérouler une corde en fait. Donc les mecs, si je me souviens bien, ont une espèce de manivelle qui doivent tourner. Ça déroule une corde et cette corde en fait, elle va servir à aller accrocher un radeau qui est dans la mer. Tout à fait. Donc ils sont quatre aventuriers s'occupent de dérouler la corde, un aventurier s'occupe de vérifier qu'il n'y a pas de nœud. Ensuite nous avons trois aventuriers qui sont dans l'eau et ils doivent en fait aller détacher des poids qui retiennent le radeau. Ouais, tout simplement, ils doivent aller détacher des poids qui sont au fond de l'eau. Sur ce radeau, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des parties d'un puzzle, donc je sais pas comment expliquer ça, c'est des genres de... C'est des grandes lanières, en fait. Donc après, voilà, une fois que ça s'est fait, les poids sont détachés, la corde est attachée, les mecs rapatrient le radeau. Ils ramènent ça sur la plage. Ouais, ils le treuillent, exactement. Ensuite, on prend toutes les lanières, on les colle contre un mur, et ensuite il faut reconstruire, il y a six lanières qu'on doit déplacer pour reconstruire un pattern qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Et je crois pas qu'ils aient vu le pattern. Non, ils l'ont pas vu. Non. Alors déjà, sur le chemin, les jaunes oublient d'enlever une pierre accrochée au radeau. Dédicace à Tiffany. Les mecs tirent comme des bœufs sur la manivelle pour essayer de ramener le radeau avec une pierre au bout. Ils sont en train de hurler pour dire « Arrêtez !» Ils font tous les signes possibles pour dire stop. Ouais. Et du coup, le meilleur, c'est de croiser les bras. Croiser les bras. Là, les mecs se disent « Il y a quelque chose. » Et moi, vraiment, sur cette épreuve, j'ai trouvé les rouges extrêmement impressionnant. C'était d'une puissance. Sur la toute première partie, ouais. Sur la première moitié de l'épreuve, c'était d'une puissance, c'était impressionnant. Je sais plus, il y avait qui. Vraiment, la manivelle, le radeau, le cul du radeau touchait même pas l'eau, tellement ça tirait à l'avant, quoi. Et le truc allait tellement vite, c'était impressionnant. En Y. Ouais, c'est ça, ouais. Malheureusement. Aïe. Ils n'ont pas su garder ce rythme sur toute la longueur de l'épreuve, puisque Manu, on a déjà parlé de Manu ? Non, c'est le moment. Ah, c'est sa fête. C'est le moment. C'est le moment. On va parler de Manu chez les Rouges. Oh Manu, il a 60 ans. C'est le doyen. C'est un Belge. C'est un chef d'entreprise. Et on va dire que c'est un petit peu notre Alain Delon de cette saison, quoi. C'est un mélange entre Alain Delon et Jean-Claude Van Damme, en fait. Et Henri Guénaud. Allez. Et Christian Clavier. Et Henri Guénaud. Christian Clavier. Moi, je maintiens Christian Clavier de profil, Henri Guénaud de face. De ouf. Donc, c'est le dieu de l'absence de remise en question. Il est bien à droite, c'est-à-dire en plus. Il n'y a pas de frein sur sa voiture. Oui, c'est ça. Sa voiture, elle dévie à droite et il n'y a pas de frein. Donc, c'est lui qui est aux commandes pour faire changer les lanières de position aux personnes qui sont en haut en haut et qui bougent les bannières. Il n'écoute pas ses coéquipiers. Il leur dit, mais oui, bien sûr, évidemment que c'était ça, et puis il a donné notre instruction. Vraiment, c'est le problème, c'est qu'il bordel. Il sait pas ce qu'il veut faire, en fait. Comme ils ont pas. Après, le faut être honnête, il prend un peu le mauvais rôle, dans le sens où personne n'a vraiment envie de s'en occuper. Là où chez les jaunes, je crois que c'est Chuck Duhal qui dit, je sais, c'est un totem, laisse-moi faire, boum, boum, boum, boum, boum, et c'est réglé en 2-3 mouvements, quoi. C'est ça. Alors qu'ils avaient quand même beaucoup pris de retard sur. Le rapatriement du radeau sur la plage. Là, ils ont quand même été très très efficaces. Et du coup, deuxième victoire pour les jaunes, les jeunes qui mettent la pâtée au rouge. Ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est... j'ai trouvé que chez les jaunes, il y a eu... quand ils ont remis le totem à Tuc Dual. Ouais, et puis il y a eu un côté... je crois qu'elle s'appelle Magali. Genre, il était en mode... Denis, il était en mode... Bon, est-ce que c'est grâce à Tuc Dual que vous avez gagné? Et tout le monde a dit... Oh bah oui, quand même, c'est un peu grâce à lui, quoi. Et tout le monde était en mode... Psartek, frère. Et ils lui ont filé le... Ils lui ont filé le totem, j'ai trouvé ça assez mignon, et tu sentais qu'il y avait déjà une bonne cohésion chez les jaunes, là où chez les rouges, moi j'ai cru que ça allait imploser à ce moment-là, et au final non. Bon, après on va y revenir plus tard par rapport à la cohésion d'équipe et tout, mais j'ai trouvé que c'était un beau moment de télé. Effectivement. Donc ça veut dire que les rouges doivent aller au conseil, passer par le conseil. Donc on connaît pas vraiment. Ah, il y a une chose qu'on a oublié de dire pour Manu. Ah, j'y tiens. Ah non, ah, j'y tiens à cette citation. D'accord. Est-ce que c'est le moment de mettre l'extrait? Je suis un leader charismatique. Avec Manu, on peut réaliser quelque chose. Avec Manu, on s'ennuie pas. Ça, c'est la fraîcheur ultime. Avec Manu, on n'est pas occupé d'attendre que le poisson saute de la mer sur la plage. C'est struggle for life, on se bat pour la vie. J'ai déjà mangé des saucisses sans les avoir cuites, crues. Il y a cette citation magnifique qui sort de sa vidéo de présentation où il nous dit « J'ai déjà mangé des saucisses crues sans les cuire. » Cet accent. Struggle for life. Struggle for life. Ah oui, j'aurais dû le faire avec l'accent belge. J'ai déjà mangé des saucisses crues sans les cuire une fois. Il a vraiment un accent de vieux de droite. Avec Manu, on ne s'ennuie pas. Mais bon, du coup, ils retournent chacun sur leur camp après cette épreuve. Et c'est un petit peu l'occasion de parler de ce qui s'est passé tout au long de cet épisode sur les camps. Ouais, on a fait une petite ellipse. On va revenir là-dessus. Sur la survie, un petit peu ce qui s'est passé tout le long de cet épisode. Ouais. Bon, évidemment, comme d'habitude, ils ont trouvé l'eau très rapidement en s'organisant. Ouais. Vraiment, je ne comprends pas c'est le taux de Pierre de Coubertin dans le fait de trouver l'eau est quand même vraiment. Enfin, je comprends pas cette espèce d'émerveillement à gueuler parce que c'est l'eau. Je ne comprends pas. Alors que quand même, il suffit de suivre le seul chemin qui part de ton camp que les mecs ont tracé. Pire, ouais, bon, y a la tête d'autres, mais en fait, t'as juste trouvé l'eau. Enfin, t'as pas. Oui, enfin, c'est ça. Il y a aucun challenge dans Koh Lanta à trouver l'eau, en fait. Alors, il y a quand même un challenge quand, comme cette année, ils ont rempli le camp des jaunes d'araignées, quand même. Et de crabes, les rouges chez les. Chez les rouges, les rouges chez les crabes. Mais alors vraiment, les filles qui cherchaient l'eau avec les toiles d'araignée dans les cheveux. Moi, je me suis dit, mais j'y serais allé en faisant des roulades avec les mains sur les yeux. Ouais, non, mais en vrai, mec, après, elles sont peut-être pas allées chercher au bon endroit et puis elles sont peut-être un peu chochottes, hein, parce que c'est les seules qu'on a entendu crier sur les araignées. André, il a passé sa journée dans la forêt à couper des arbres à la machette. Ah oui. Et voilà, il y a pas eu de soucis. Il a pété la canopée. Non, un truc qu'on n'a pas dit, c'est quand même les que îles sont magnifiques. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça a vraiment marqué Lucas. Il a pas arrêté de m'en parler ces derniers jours. Ah ouais, vraiment. Mais l'île jaune là, avec cette espèce de croissant avec un rocher au milieu de la mer. Et l'île rouge, on dirait un golf. Derrière, on dirait il y a des mecs qui vont se pointer, ils vont jouer au golf. Il y a des reliefs trop beaux, il y a pas d'arbres et tout, c'est trop beau. On n'a jamais vu des îles comme ça d'habitude, c'est vraiment genre un tas de merdier avec de la forêt. Là, il y a un endroit complet qui est découvert, quoi. Je trouve ça magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Comparé à l'île de sable gris des Bleus l'année dernière, avec un mètre de sable et ensuite que de la terre dégueulasse et puis les cacadada. Hey, c'est sûr que ça fait. Ça pourrait être pire et ça pourrait être la saison de la mousson. Ah merde. Donc ouais, là vraiment ça m'a fait du bien de voir des beaux paysages. C'était différent et c'était beau et en fait et bien des je belles îles d'aller explorer quoi. Ouais, j'ai envie qu'ils y aillent, tu sais. Ça change des plages dégueulasses qu'on avait la saison précédente. Puis bon, je pense que là ils les ont un peu, il y a de la bouffe déjà et puis ils les ont aussi un peu aidés en disant genre ils les ont fait débarquer à un endroit et oh, il y a déjà un endroit qui est un peu déblayé, ça serait bien que vous vous mettiez là quoi. Ouais. Surtout qu'ils construisent leur plage au pire endroit comme les Bleus l'ont fait 5 fois de suite, tu vois. Enfin leur camp, oui, je veux dire. Vrai. Leur cabane dans la plage, quoi. Oui. Du coup, ils ont tous commencé à faire une cabane. Plus ou moins. Je crois que les jaunes n'ont pas commencé. Les jaunes n'ont pas commencé. Les jaunes, ils ont dormi sous l'arbre. En même temps, ils ont du sol déblayé, un énorme arbre dessus. Franchement, ils sont tranquilles. Ils vont s'y mettre tranquillou. Et les rouges, les mecs, ils ont des planches. Les rouges ont commencé à leur cabane, mais ils ont pas dormi dedans, je crois au final. Ils ont dormi sur la plage aussi. Oui, c'est vrai que les jaunes sont revenus avec des planches, tout ça. Hein. Ouais, c'est eux qui et de la corde ça devrait aussi, aller, franchement, je pense que c'est le cadet de leurs soucis. Ils se retrouvent... quelque chose que j'ai bien aimé, du coup, c'est qu'ils se retrouvent tous... Enfin, on a l'impression qu'ils se retrouvent sur une île où il y a de la nourriture. Tu viens de l'évoquer, Lucas. Ils ont trouvé des choses, ils ont trouvé des papayes, ils ont trouvé par-ci, par-là, des trucs, la canne à sucre. Donc ça fait plaisir, enfin un petit peu de survie entre guillemets, d'exploration, ouais. Alors on découvre des trucs, plutôt que de voir des connards en train de s'engueuler pour des conneries et des merdes sous leur lit là. Ne me crie pas dessus. Ça a l'air d'être moins des branques, hein, l'air de rien, quand même, je trouve que... Pourquoi ouais. Je sais pas, je trouve que tout va bien en vrai. Tout glisse, tu vois, tout roule. Il y a pas d'histoire de. En tout cas, il y a au moins un mec à chaque fois. Enfin, les jaunes, à un moment, c'était un peu tout le monde faisait son truc. Et bon, il y a André, il faut dire qu'il a un peu lancé des choses quand même. Il a un talent de diplomate assez incroyable au final, j'ai l'impression. Et il y a un côté, tout le monde est un peu foufou, et lui, il organise tout ça, et ça fonctionne. Et chez les routes, il y a déjà des cabanes, ils ont l'eau, ils sont allés trouver de la bouffe. J'ai l'impression qu'ils se donnent plus. Et peut-être le fait qu'ils soient 10 au lieu de 6, l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais vu qu'il y avait 18 candidats, ils étaient 6, je pense que ça fait vraiment la différence et que les choses se passent mieux, quoi. Et là, en plus, ils ont eu 3 jours, en fait, je crois qu'ils ont eu un peu plus de temps, ils ont pas eu à aller à une épreuve, faire des trucs, enfin, ils ont pas été coupés toutes les 5 minutes, quoi. Et ça, c'était bien. Est-ce qu'on parle de la mascotte? La mascotte? T'es au team. On parle pas du feu ? Ils ont réussi à faire du feu, les jaunes, grâce aux héros, aux Vosgiens, qui devraient être belges, hein, parce qu'il a vraiment tout pour être belge. T'es au team, oui, donc c'est le gars qui était face à Romain sur l'épreuve, la première épreuve pour aller chercher le riz. Il avait perdu, malheureusement, mais il s'est dit, je me fixe un objectif, comme Manu d'ailleurs, je me fixe un objectif dans Koh-Lanta, c'est de faire le feu. Manu, c'est chez les rouges, j'ai mis le même objectif, c'est le plus vieux, hein. Lui, il a pas réussi. Par contre, chez les jaunes, donc on a eu une équipe qui était, je crois que c'était Marine, Tiffany, qui tenait une planche, et Marvin et le superviseur des opérations Théotime, qui en gros, eux, ils font une technique, c'est en gros ils scient un truc quoi, pour faire chauffer. Ouais, là où Manu, il utilise la technique de l'arc, qui ne marche jamais, hein, à chaque fois. Parce que ça rip. Ça rip, ça s'enlève, voilà. Et donc non, la technique de Je crois que dans son truc, dans son profil, Manu, il dit j'ai essayé de faire le feu, j'ai réussi du deux dimanches de suite. Je crois il dit un truc comme ça, non? C'est pas ça? Je crois qu'il parle, il dit je me suis mis deux dimanches. Ah non, ça c'est Startup Nation qui dit deux dimanches de suite. Mais Théo Team y arrive avec Thomas qui est insupportable et qui vraiment saoule tout le monde en disant mais il faut pas faire ça, mais attends, et là tu vas le perdre, et nanana, t'as pas de foyer, oh là là, insupportable. Tandis que Théotime, vous aurez remarqué que Théotime utilise une nouvelle fois la méthode du moulinet de Bastien. Ah ben oui, non mais lui, et de Fred, oui, et de mais Fred, d'abord de Bastien, mec. C'est Bastien qui s'appelait, non c'est pas Bastien, c'était comment il s'appelait, le mec qui aimait le poulet, oui, le mec de Yesta, ouais. Sébastien, t'es sûr? Mais oui, Sébastien, oui, Sébastien. De l'anneau d'or et tout, bien sûr, oui, c'est il s'appelle Bastien, lui. Yesta et Benoît. Boum, ah, allez. Merde! Ah, Benoît, il nous a eu! C'est toi qui as dit Bastien tout à l'heure. Eh, mais depuis quand vous me suivez sur les prénoms, de toute façon? Bref, c'est Benoît, effectivement. Oui, du moulinet qui marche. Si elle, on était dans Survivor, elle porterait le nom de Benoît, ça serait stylé, tu vois, ça serait le moulin de Benoît. Donc, la technique du moulinet qui a fonctionné, du coup, les jaunes ont le feu, et je crois que les rouges ne l'ont toujours pas. Même si à la fin, je crois que c'est Marguerite qui essaye un peu de sauver sa peau en faisant le feu, mais elle y arrive pas, je crois. Non. Malheureusement. Elle a aucun sourcil à se cramer, donc. Du coup, rapidement un peu, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette partie survie, la partie survie dans cet épisode un peu? Est-ce que ça vous donne un peu plus d'espoir? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce que ce qu'on a vu est satisfaisant? Alors je pense que je pense qu'il y en a eu et c'était intéressant à voir. En tout cas, enfin moi j'ai eu l'impression de voir tu vois rien que le moment où André il porte comment il s'appelle Théotime sur ses épaules pour aller chercher de la coco, la tentative de feu deux fois de Théotime qui finit par marcher. Ils ont commencé les cabanes mais ils ont pas signé. Je pense que la saison dernière il y avait un problème où Yacine en fait en deux jours il avait tout fait donc il avait plus rien à montrer à part je suis en train de faire un petit banc mais c'était pas très intéressant. Là voilà, je trouve que ça s'est bien lancé. Y a des mecs qui ont l'air d'avoir envie de faire à bouffer, donc ça risque d'être intéressant, surtout s'ils ont pas mal de trucs à manger. Je suis impatient de voir la suite en fait, tout simplement. Louis ? Il y a un petit côté colonie de vacances, tu vois. Genre c'est sympa, ils sont pleins. Franchement, ça fait on dirait un petit camp de scout. Voilà, avec tout le monde qui est sage la nuit. Et vraiment, je trouve ça cool. Ils font leur truc, c'est mignon. Il y a plein de petites scènes rigolotes. Il y a les mecs qui disent est-ce que c'est de la papaye, je sais pas, goûte, ils ont peur. Après ils goûtent, ils disent c'est bon. Les filles qui crient quand il y a des araignées. Enfin, il y a vraiment un côté, on dirait presque un début de film d'horreur super pourri, tu vois. Et là, c'est la partie feel good, et après, ils vont commencer à tous mourir. Et franchement, par rapport... il y a un côté, effectivement, c'est peut-être moins de la vraie survie de SDF sous la pluie à manger des graines. Mais en même temps, il y a un côté... franchement, c'est agréable à regarder, tu vois, pour une fois. Et puis, les mecs, franchement, ils rigolent pas, hein, tu vois. Par rapport à l'année dernière, franchement, ils carburent, là. Ils ont tout, quoi. En même temps, ils ont personne plus d'ustensiles de sûr. Base, en tout cas chez les jaunes, parce que chez les rouges, non, du coup. Ils ont plus d'ustensiles de base que la saison dernière. Donc, il y a moyen de donner quelque chose de plus intéressant. Je trouve qu'ils s'apitoient pas et tout. Tu vois, c'est cool. Il y a vraiment une bonne ambiance. En même temps, on est à deux jours. On est à deux jours. Le seul, attention. Non, et puis le seul... Enfin, à un moment, ils en ont parlé, quoi. C'était Marvin chez les jaunes. Il était en mode... Le seul mec qui se donne pas et qui fait rien, c'est l'autre emmerdeur de Thomas, là, qui passe son temps à se plaindre chez les jaunes, et ça a l'air vraiment l'air de... Tout le monde a l'air de se bouger et de faire des trucs, quoi. Mais bon, se bouger, c'est bien, malgré tout. Trop se bouger quand tu fais 1m50, ça ne marche pas. Et 35 kilos. Et voilà, et ça va mener au départ sur raison médicale de Marine. Alors, on n'en a pas parlé. De toute façon, tout ce qu'on a vu d'elle dans l'épisode, malheureusement pour elle... c'est qu'elle était toute petite et qu'elle voulait montrer aux gens que être toute petite, on pouvait être forte quand même. Et puis bon, de fatigue, elle s'en va au bout du jour, donc un peu ratée. Et elle est remplacée donc par Mel, qui est une autre femme qu'on découvrira probablement beaucoup plus après, qui a passé un peu un entretien d'embauche dans l'équipe qui est là. Un speed dating. C'est ça, un speed dating avec tout le monde. Qui a l'air franchement de faire partie c'est de la championne catégorie qu'on avait eu avec les trois qui sont arrivés. Je crois voilà, ceinture noire de karaté à 14 ans quand même. Non, de judo, ouais. Elle fait de la danse sportive. Ouais, à 14 ans, franchement, ceinture noire, c'est pas mal. Ça a l'air d'être une malade. Et ouais, du coup, ça suit comme les trois qui étaient arrivés plus tard l'année dernière, qui étaient tous des vainqueurs. Là, on a l'impression que vraiment ils ont mis les pourris. Puis s'ils se barrent, hop là, bah, on sort un champion de Derrick Fago. C'est donc, ça. Oui, cool. Oui, c'est ça. En fait, je me suis dit. C'est ouf, ils doivent avoir des mecs, mais en plus ils doivent en avoir quatre, tu vois. Ou alors, c'est ça, ouais. Parce que s'il y a un mec de chaque côté qui s'en va, il faut un homme, une femme, au moins pour faire l'équilibrage. La question, c'est en ce moment combien il y a de machines de guerre dans les hôtels des îles. C'est ça. Qu'attend de leur heure de gloire, tu vois. Et oui, donc malheureusement, au revoir Marine, bonjour Mel. Un autre départ dans cette soirée, ce premier épisode, c'est celui qui arrive bien sûr au Conseil des Rouges, je vous le rappelle, hein, on vous l'a dit dans l'épreuve d'immunité, bien par la faute de Manu quand même, les Rouges perdent et se retrouvent au Conseil. Donc bon, comme on les connaît pas trop, on n'est pas vraiment attaché à eux, on essaye vaguement de nous raconter quelque chose hein, après cette épreuve sur le camp, en disant « Mais machine et machin, elle essaye de faire des trucs, machine, elle est géologue, elle charge des fruits, Martine, Marguerite, elle fait du feu, mais elle n'y arrive pas. » On s'en fiche un petit peu, on se retrouve au conseil, boum, 6 pour Delphine, 4 pour Marguerite, au revoir Delphine, la géologue. Bon, les couilles. Ouais, moi j'ai passé l'émission en x2 parce que c'était pas intéressant, tu vois, enfin on s'en foutait. La seconde partie de l'émission est vraiment ennuyante, quoi. Mais on va en parler tout de suite puisqu'on arrive dans l'autre... dernière partie de la revue de cette émission. Et on va vous demander un petit peu à chacun, messieurs, votre avis sur l'épisode, votre candidat préféré. C'est le moment de parler de quelqu'un dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas, vous aurez remarqué, mesdames et messieurs, qu'on n'a pas fait la revue de tous les personnages de cette nouvelle saison. Parce que ça ferait beaucoup de gens. Et donc, on va demander à Lucas de se prêter à l'exercice. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé? C'est qui ton mec préféré dans cet épisode? Alors, pour revenir sur l'épisode, moi vraiment déjà subjugué par la beauté des îles Fidji. Vraiment, je sais même pas où c'est dans le monde, je m'en fous, mais putain, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et ça tue, et je sais pas, c'était différent, mais j'ai eu un côté... Enfin, on a eu beaucoup de saisons en Asie, il y avait le côté... je crois qu'on commençait à ressentir même les mêmes paysages, il y avait bien que Félicie pour s'émerveiller d'un temple cambodgien et pleurer dedans, tu vois. Je suis assez intrigué par toutes les nouvelles règles, le fait qu'il y ait un peu de suspense, est-ce que des colliers vont être que liés par deux, ou est-ce qu'on pourra les associer entre eux, qu'est-ce qui se cache dans cette île du paradis perdu. Le fait qu'ils aient pas montré tous les candidats aussi, qu'ils aient gardé des candidats, il y a vraiment, je crois qu'il y en a, on les a pas vus. Je suis même pas sûr qu'on ait vu leurs portraits. On n'a pas vu les portraits, c'est sûr. Qu'on nous garde des gens pour la suite, plutôt que d'essayer de nous faire rentrer tout le monde au chausse-pied. Alors, petit instant, géographie, je check. Yes. C'est à l'est de l'Australie et au nord de la Nouvelle-Zélande. Ah, ok. Ah, putain. J'irai jamais. Ok, d'accord. Ok. Bon. Quoi d'autre? Je sais plus. Enfin voilà, je suis intrigué. Je suis content de retrouver Koh-Lanta. J'ai pas vu d'atrocité, genre pas de Damien, le stagiaire, il semble qu'il était viré, j'ai pas oui. vu de ouais, son ça allait, un peu bizarre. C'était vraiment bien monté, je trouve. Enfin, ça allait. C'était très bien monté, c'était juste un premier épisode, il y avait beaucoup de trucs à montrer, et peut-être qu'ils ont un peu traîné sur la fin, voilà, sur les rouges qui veulent pas voter pour quelqu'un et qui se demandent pour qui ils vont voter. Mais voilà, moi à ce moment-là, bon, j'ai passé envie de s'accélérer, c'était très très bien. J'ai pas eu l'impression de m'ennuyer pendant 1h50. Si à la fin, les 15 dernières minutes étaient un peu longues, bah écoute, c'est la vie. Mais voilà, je suis impatient d'être la semaine prochaine, de voir le nouvel épisode, de voir des nouveaux candidats. Et puis, bah, y a des gens que j'ai envie de revoir. Voilà, il y a mention spéciale pour commencer pour Sébastien, le routier du Nord. Tout qui est chez les rouges. Oh, qui est génial. Vraiment, lui, son portrait, il m'a. Parce qu'en fait, il y avait un côté. Bon, tu vois, c'était un peu. Voilà, c'était le Jackie avec son camion. Il adore son camion. Bon, déjà, son portrait, quand même. Le mec est trop content de son camion. Il est. Enfin, j'ai envie d'être ce mec au volant de mon camion qui adore ça. Et au final, on l'a vu beaucoup en voix off, en fait. Et il a l'air complètement normal et surtout super cool, en fait. Vraiment, quelqu'un de posé, qui va être agréable à suivre, à mon avis, qui va vite se lier d'amitié avec des gens. Et après, sinon, mon héros, moi, c'est Manu. Manu. Il m'a fait rire, en fait, du début à la fin. Enfin, dès qu'il ouvre la bouche. Il me fait rire, même quand il dit rien, juste sa manière de parler, quand il dit juste quand il disait le 3 en 1, ça me faisait rire, tu vois. C'est vrai en plus. Est-ce qu'on fait une petit coup de promo pour le compte Twitter attends, Manu, on le fera après. C'est le moment. On le fera après. No spoil. Louis, qu'est-ce que tu as pensé? Pas de divulgachage. Je prends la main. alors, moi, pas de divulgachage. Je crois que t'as bien aimé André. Alors oui. Alors bah si vous voulez, on commence à parler d'André. Alors moi j'ai adoré André parce que j'ai trouvé que il correspondait parfaitement. Enfin tu vois, il y a une vraie progression émotionnelle de mon attachement à André au cours d'épisodes. Au début je me suis dit ok d'accord. Alors lui vraiment. Déjà quand on savait pas qu'il allait falloir faire les radeaux et tout, je me suis dit putain mais alors lui ça va être le premier à galérer à nager avec un sac nanana. Finalement il mène tout le monde à la baguette mais avec son grand cœur et vraiment il veut, je crois, prouver à son entourage que c'est pas un nounours tout mignon et que vraiment c'est un vrai bonhomme. Et c'est clair parce que là il a déjà montré que vraiment il était franchement c'est le mal de l'équipe jaune mais totalement quoi. C'est vraiment le mec stylé qui drive tout le monde et en plus vraiment il est super tigeant. Il a pas justement ce côté que moi j'aime pas trop chez Romain où tu sens que le mec il a quand même envie de gagner, il prend un peu tout le monde pour des merdes. Franchement André est génial, le mec il dit tiens je vais couper du bois, il donne deux coups de machette, il y a un arbre en entier qui tombe, on voit le soleil à travers les branches, et c'est le mec il a créé un écosystème, la vie va revenir, tu vois, c'est vraiment trop bien, c'est un fou, il est mort de rire, il y en a un qui, je sais plus comment il s'appelle, et c'est ça, il met l'ambiance, pas de se marrer à côté. C'est ça, je sais plus comment s'appelle lui. Son pote, mais ils s'entendent bien. Marvin. Voilà. Ouais. Marvin et Théotime, là, ils sont tous morts de rire tout le long. Donc ça, eux je sens qu'ils vont être marrants, mais d'ailleurs, j'ai eu l'impression qu'il y avait du teasing de, ces trois là ils font vraiment rien, il y en a marre nanana, ils ont trop l'impression de se faire servir et tout. Du coup, à voir si ça va être ça et si c'est le cas, ça sera marrant dans tous les cas. À l'échelle de tous les épisodes, ouais, vas-y. Ils sont super proches dès le début et ça fait peur direct à l'autre enculé de Thomas là. Ah, il y a un autre truc d'ailleurs qui m'a fait plaisir sur André, c'est que quand Thomas était en train de ruminer dans son coin contre Théotime, André il a dit attends, vas-y, on va aller, enfin il l'a pris à part, tu vois. Ah ouais. Pour désamorcer la situation. Donc ce mec-là, vraiment, c'est une crème, quoi. Y a rien à dire, il est trop bien. C'est mon gars sur Dédé. Et à l'échelle de l'épisode, bah moi, du coup, tu vois, ce que tu disais, effectivement, on n'a pas beaucoup vu les candidats. Moi, j'ai trouvé ça un peu décevant. Pas qu'on les monte tous et qu'on passe vraiment 100 ans dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a personne qui s'est vraiment révélé. Parce que s'il y avait des mecs qui avaient vraiment pris beaucoup d'importance, tu vois, on serait concentré sur eux. Et le seul petit coup d'éclat qu'il y a eu, c'est Fabien qui quand même a une histoire, on dirait un candidat de Secret Story, je sais pas quoi, poulailler, tatouage sur la gueule, nanana. Le mec, bah le seul truc qu'on a trouvé à montrer pendant 5 minutes, c'est il fait du Qigong le matin en se réveillant au bord de la plage. Donc ça, j'ai trouvé ça. Franchement, j'espère qu'il y a vraiment des gens qui vont se révéler dans l'équipe rouge et même justement, en général. C'est bien aussi qu'on n'ait pas un truc aussi chiant que l'intro de la saison d'accord. dernière. Tu vois. Je suis d'accord. Moi, ça m'a quand même un peu manqué de voir des mecs où je me suis dit, tu vois, eux, ils sont prometteurs. Sinon, les nouvelles règles, c'est super, et j'espère que ça va créer plein de chaos, parce que c'est ça qui fait qu'il y a du random, et qui fait que bah ça empêche des genres de princesses clémentines, comme la saison dernière, de tout diriger, parce que tout est prévu jusqu'à la finale. Donc j'espère qu'il y aura plein de retournements de situation, un peu forcés par la prod, pour leur mettre des petites balayettes. Voilà. Je l'avais oublié, celle-là. Ah ben, mon gars, comment l'oublier ? Alors c'est moi qui vais finir. Vas-y, mon grand. Alors moi, j'aime bien Maxime, on en a pas parlé. Maxime, c'est un mec dans l'équipe des Rouges aussi. C'est un gars qui a, donc c'est un restaurateur, il a 5 restaurants à Lyon, et je l'ai bien aimé pour deux moments. c'est le moment déjà où il trouve de la papaye dans la dans la forêt sur son île, où il se demande un peu ce que c'est comme fruit, mais bon, il reconnaît un peu que c'est de la papaye. Et un autre moment où je crois que c'est à l'immunité, l'épreuve d'immunité, il fout un peu tout sur le dos de Manu, mais sans jamais rien dire. Ah oui, c'est vrai ça. Sans jamais dire son nom, il le pointe du doigt invisible. Le leader disant, charismatique. Bon bah voilà, on a perdu. Il y a eu des petits problèmes de coordination, pas forcément les bonnes instructions. Vraiment, c'était trop bien. Du coup, j'aime bien ce mec. Il a l'air posé, il a l'air gentil et tout. J'ai envie d'en voir plus de lui en tout cas. Et sur le niveau plus de l'épisode, effectivement, je suis d'accord sur tous les points avec vous. C'est beau. Les nouvelles épreuves, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on nous cache dans les coffres, les stratégies qui vont être mises en place, comment les candidats vont être malins pour utiliser ces stratégies-là. Je trouve justement que c'est cool de pas avoir des mecs qui nous cassent trop les couilles, même s'il y a déjà Thomas qui est déjà bien gonflant. Voilà, il y a de la survie, ça revient, même si c'est pas un niveau extraordinaire pour l'instant, il y a pas de pêche, etc., mais c'est quand même assez cool. On n'est toujours pas au niveau de Raphaël qui a attrapé des requins à la corde. Je vous rappelle quand même de ça. Il est inatteignable. Bah, oui, mais bon, j'aimerais bien qu'on atteigne ce niveau-là, quoi. Et puis je pense qu'aujourd'hui, la prod le laisserait pas faire, en fait. À mon avis, ils ont trop peur. C'est vrai, c'est possible. Mais bon, c'est cool et j'ai envie vraiment de voir la suite. Est-ce qu'on passe à notre petite rubrique ? Alors, on va réduire, pour ceux qui nous ont suivis, alors vous êtes pas beaucoup, mais la saison précédente. Sachez qu'on vous aime. Oh, vous étiez une bonne centaine quand même, ça fait plaisir. La saison précédente sur notre petite Twitter. Et là, aujourd'hui, Louis a sélectionné un tweet. Je te laisse en parler, vas-y. Fais-toi plaisir. Malheureusement divulgaché. Pardon. Non, t'inquiète. Du coup, ouais, on s'est dit qu'on ferait une rubrique un peu news, revue de presse. On mettrait plein de choses. Et là, aujourd'hui, on commence avec le compte Twitter Manu Le Foufou, M-A-N-U-L-E-F-O-U-F-O-U, qui est un compte parodique de Manu de Koh-Lanta, dont la description est « Je suis un leader charismatique et je mange des saucisses crues. Hashtag struggle for life. Il faut se battre pour la vie. » Et alors, je vous fais des petits extraits très rapidement du genre de tweet. Donc, déjà, tout est en majuscule. « J'ai déjà regardé l'intro de Friends sans taper dans les mains. Je me suis déjà levé dans l'avion pour prendre mes bagages avant l'extinction du signal lumineux. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est très drôle. J'ai déjà cliqué sur oui, ah, avez-vous plus de 18 ans alors que j'étais mineur. Aucune utilité ce feu, comment vont-ils pouvoir manger des saucisses crues après? Donc voilà, c'est vraiment bien. J'ai déjà mangé un Kinder Bueno sans le partager. Mais surtout, le mec a balancé genre 100, bah pas 100 tweets, mais une vingtaine de tweets en une soirée, quoi. C'est vraiment super bon. Des petits photomontages, donc ouais, on croit en lui. Donc c'est @ Manu Le Foufou. On va leur tweeter de toute façon, non? Ouais, @ Manu Le Foufou. On va leur tweeter. C'est ouais. L'occasion d'aller checker notre compte Twitter, Koh-Lanta Podcast, @ Koh-Lanta Podcast, sur lequel ce sera évidemment RT. N'hésitez pas à nous envoyer un petit tweet en disant « Eh, trop tard, l'épisode, je me suis trop marré !» Ça nous fera plaisir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. J'espère que vous allez nous suivre longtemps sur cette deuxième saison. Effectivement, retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook, sur SoundCloud. N'hésitez pas à partager. Rappelez-vous, laissez-nous des commentaires sur ce que vous pensez de l'émission, sur ce que vous pensez aussi de Koh-Lanta et de Koh-Lanta, les deux. Oh, allez. Les deux émissions. Il y en a tellement pas qu'on fera tout ce que vous nous dites. Vraiment, on fera des statistiques, 100% des auditeurs. On va essayer de se mettre. On ne les contrôle plus. On va essayer de se mettre sur iTunes, on va essayer de se démerder pour faire ça, on vous promet rien. Mais en tout cas, bonne semaine, à la prochaine, messieurs. Un petit mot pour la fin. Je suis super content de vous retrouver tous les deux, de retrouver Denis Brognard, de retrouver 20 nouvelles têtes qui ont l'air super sympas dans un beau paysage, et à la semaine prochaine. Tout pareil, et on a quand même pas réussi à faire beaucoup moins d'une heure. Ouais, mais c'est un premier épisode, c'est normal. Allez, bisous. Salut à tous. Sous. Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui, tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. C'est compliqué. manqué. J'aimerais m'inviter mais je n'ai pas pris de clé. Je t'ai fait de la peine donc t'as pas insisté. Ça fait des mois entre elle et moi. Ouais je le connaissais, le code était compliqué. Je t'avais fait la promesse de ne pas l'oublier. À 36B, c'est pas ça. On le sait, on ne sait plus. Un pied dans l'love, l'autre pied dans l'hall. J'essaie de me rappeler de mettre les chiffres dans l'ordre. Un pied dans l'love, l'autre pied dans l'hall. J'essaie de m'en rappeler de mettre les chiffres dans l'ordre. Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. Y'a ceux qui sont lèches, ceux qui sont lourds. Peut-on se toucher jusqu'à en devenir sourd? Y'a ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Mais ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui sont sourds. Tu veux mon code, tu veux ma clé. Tu veux mon password, tu veux mon thé. Hey, cœur de pierre, j'ai perdu Louis. Cœur de pierre, j'ai perdu Louis. Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la tour, oui tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui tous les jours. Je ferai l'amour, mon amour, mon amour. Laisse-moi rêver que tu meurs, afin que personne d'autre ne tombe sous tes charmes. Laisse-moi rêver que tu pleures, pour que jamais personne ne danse sur ton corps. Toi et moi on s'aime, toi et moi on saigne. Toi et moi on s'aime. Mais toi et moi on saigne. Perds-moi dans les airs, même si toi et moi on sait déjà que les fleurs fanent. Fais ta douce discrète, je promets de jamais me lasser de tes charmes. Toi et moi on s'aime, mais toi et moi on saigne. Toi et moi on s'aime. Tu vas réveiller mes voisins, baisse le ton. On s'est dit au revoir, pourtant pour de bon. C'est bizarre, quand je me penche, ça coule mieux, c'est étrange. Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. Tu me suis chaque nuit. Qui je suis, je te fuis chaque nuit, je perds du Louis. Tu me suis chaque nuit, tu ne sais qui je suis. Je te fuis chaque nuit. Ça, c'est la fraîcheur ultime. Vous, Virginie, le fait de se retrouver entre filles, qu'est-ce que ça fait? Saucisse. Saucisse. C'est struggle for life, on se bat pour la vie.